RCF. Ce n'est pas l'histoire exceptionnelle d'un éducateur hors du commun que nous allons entendre aujourd'hui. Ce ne sera pas non plus une émission sur les meilleures astuces pour réussir sur les réseaux sociaux et devenir une star d'Instagram. Ce sera encore moins le récit d'une vocation toute tracée d'un jeune prêtre sans question. Non, justement, il n'y a rien de lisse et d'évident dans ce que nous raconte le frère Benjamin de son parcours. Il y a des aspérités, il y a des questions, des changements d'avis, des expériences et au bout du compte, une vie croyante, incroyable. Frère Benjamin, bonjour. Waouh, bonjour. Alors j'ai dans les mains le livre que vous venez de publier et qui s'intitule « Tu as du prix aux yeux de Dieu » dans lequel vous racontez votre conversion. C'est un livre publié aux éditions Artege. Vous y racontez les souffrances par lesquelles vous passez, mais aussi la joie profonde de vous savoir aimé du Christ. Alors avant de remonter le fil de votre histoire, pas banale, partons déjà en Normandie. Vous êtes actuellement le directeur du collège Don Bosco JL. Vous êtes prêtre salésien. Votre quotidien, donc, c'est celui des classes, de la chapelle, de la salle des professeurs, mais aussi des vidéos sur TikTok et des chorales d'enfants. Oui. C'est ça? Ah oui, c'est vrai que quand on met bout à bout, ça peut paraître... C'est pas pour rien qu'on se marie pas, quoi. On a plusieurs vies. Vous avez pas dit chanteur aussi, mais voilà, c'est oui, ouais, donc c'est on est un peu écartelé entre tout ça. Mais bon, l'avantage d'être directeur de collège, c'est qu'on a les horaires, voilà, en journée, et puis donc on a le soir et week-end pour pouvoir faire quelques folies sur d'autres secteurs comme les réseaux sociaux, la musique, écrire un livre ou des choses comme ça. Tout ce qui vous anime. Parlez-nous un peu de la pédagogie Don Bosco, parce que c'est là que vous enseignez. C'est selon cette pédagogie que vous enseignez, que vous partagez aussi avec d'autres éducateurs. Vers quoi vous emmenez les jeunes? Qu'est-ce qui est un peu le cœur de la pédagogie Don Bosco? Alors d'abord, je suis très heureux d'avoir l'occasion de parler de la pédagogie Don Bosco parce qu'elle a le mérite d'être très simple, donc on peut l'évoquer en quelques mots et donc ça passe très bien à la radio et peut-être à la télé. Donc c'est une approche... C'est un courant qui est connu dans le monde, pas trop en France. On connaît plus Montessori, Freinet et autres, mais donc il y a la pédagogie Don Bosco. Alors elle, c'est pas tant du didactique, c'est-à-dire sur la question des apprentissages, même si elle a des choses à dire aussi, mais sur la façon d'accompagner les jeunes, donc sur de l'éducation. Et si on devait résumer la pédagogie en un mot, je dirais confiance, mais comme c'est un peu bateau, je le traduirais de façon concrète en responsabilisation. L'idée, c'est de vraiment mettre le jeune au cœur de l'action éducative, c'est-à-dire qu'on fait pas 10 000 choses pour le jeune, on se décarcasse pas pour les jeunes, mais avec. On les met vraiment dans la partie, et c'est comme ça qu'après, ça peut se traduire concrètement par plein de choses. Par exemple, au collège où je suis, ça a été la création d'un conseil de direction des élèves, de sorte que les élèves puissent rentrer aussi dans cette intelligence de comment on analyse ce qui se passe, la vie au collège, l'ambiance, l'atmosphère, vers où on veut aller, comment ça fonctionne une institution, pourquoi il faut faire ci, faire ça, vers où on pourrait aller, enfin voilà, faire rentrer dans cette maturité d'analyse et les rendre vraiment acteurs, quoi, partenaires. Alors la place de la foi dans cette éducation? Alors la foi, c'est vrai que Don Bosco, c'est d'abord ça. J'aurais peut-être même dû commencer par ça. Mais je veux pas faire fuir les gens dès le début, c'est pour ça que merci donc du coup. Pourquoi Dieu ferait fuir les gens? Mais c'est mon habitude de parler de la pédagogie Don Bosco, c'est vrai que j'attaque pas toujours par ça, mais ce qui a permis que cette pédagogie apparaisse, c'est la passion de Don Bosco pour les âmes. C'est la devise qui était placardée dans le bureau de Don Bosco, c'était Dami animas ceteratole, ce que tout le monde comprend. Donne-moi des âmes et pour le reste, prends-le. C'est une phrase de Saint François de Sales et donc ça désigne une vie totalement donnée pour le bien des âmes. C'est une espèce d'obsession, un peu comme Saint Dominique, mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les âmes. Et voilà, donc la pédagogie Don Bosco, c'est avoir toujours le souci éternel de l'enfant, du jeune. Et ça aussi, c'est un plus, à mon avis, considérable pour un éducateur, c'est-à-dire que on se préoccupe pas seulement de son avenir là, qui trouve le métier qui lui convienne, et puis voilà. On n'est pas que dans l'orientation professionnelle, personnel, même si c'est important aussi. Mais on a une visée beaucoup plus profonde et j'allais dire puissante. Et ça vient rendre plus puissant aussi la relation éducative et tout ce qu'on peut lui apporter, quoi. Vous êtes dans l'orientation spirituelle, alors. Ah, c'est pas mal. Je n'avais pas pensé. Ouais. Ça attire la question de Dieu. C'est quelque chose qui suscite une curiosité parce que vos élèves viennent de partout. Oui. Certains ont connu une éducation religieuse, d'autres absolument pas. Oui, comme un peu partout dans l'enseignement catholique, les gens ne mettent pas leur gosse parce qu'ils sont cathos, hein, mais plutôt pour avoir quelques garanties de qualité, d'accompagnement pédagogique. Donc oui, il y a pas de... je me demande si c'est pas une des premières années où j'ai carrément 3 familles cathos, ce qui est un record. Sinon, j'ai vraiment très très peu de chrétiens pratiquants. Voilà. Mais... Par contre, j'ai jamais eu autant de monde qui vienne à l'adoration, aux propositions spirituelles. C'est très simple. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais enfin, je fais ce que j'aurais fait si j'étais en paroisse, c'est-à-dire commencer par l'adoration. Voilà, parce que pour moi, tout commence là, c'est-à-dire on met Jésus à la première place et ensuite c'est lui qui va agir. Donc, dans l'enseignement catholique, à mon avis, il faut faire la même chose. C'est Jésus à la première place et ensuite. Hop, ça, il va faire le reste. Et donc là, par exemple, le matin, je dois avoir entre 20 et 50 élèves sur une centaine de collégiens, quoi, qui vont à l'adoration, alors qu'ils connaissent rien du tout. Au début, ils savaient même pas faire un signe de croix, ils savent pas comment, ce qu'il faut faire dans une église, un tabernacle encore moins, enfin. On part de zéro, et c'est génial. L'aumônerie, ils sont 50 inscrits sur 100. On fait des soirées, des midis, des sorties. Alors il y a le côté ça comme ça qui attire, c'est vrai. Mais enfin voilà, on vit aussi des temps d'intériorité, d'adoration, où on voit des larmes parfois éclore ou en tout cas un silence, alors que le reste du temps on a parfois du mal à obtenir du silence. Enfin voilà, je suis étonné de voir la soif pour rebondir ce que vous disiez. Ouais. Vous vous inspirez de cette phrase que vous citez dans votre livre du père Paul Baudiquet. Les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. Les regards qui nous espèrent. C'est ouais. Beau aussi, ça. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. C'est parce que les jeunes, souvent, ils ont un regard sur eux-mêmes, ou ils ont intériorisé un regard tellement dépréciatif. C'est vrai. Alors, du coup, quand ils voient quelqu'un qui, après avoir fait moult bêtises, il continue, ça se sent, hein, parce que les jeunes sentent le regard dont on parle dans ce, j'allais dire dans ce verset. le regard dont on parle, c'est un regard, pas seulement physique, mais ça passe aussi par le regard physique. C'est-à-dire le regard, les yeux, quoi. mais les jeunes sentent si on les espère, ou si on a déjà lâché l'affaire. Et ils vont éprouver. Certains jeunes en souffrance, en difficulté, vont justement essayer de repousser les limites de cette fameuse bienveillance là. Hein. Si je te fais ça, est-ce que tu m'aimeras encore, hein? Est-ce que tu resteras encore là pour moi si je te fais telle crasse, etc. Alors vous parlez des souffrances, vous en parlez aussi dans votre livre pour vous, et c'est ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'est la franchise avec laquelle vous retracez les grandes étapes de votre vie, les doutes par lesquels vous êtes passés, les errements et ce qu'ils vous ont appris, et la grandeur que vous donnez à vos expériences aussi. Il y a rien de naïf ou de gentil, mais c'est pour vous important de sortir d'une parole peut-être un peu trop attendue, selon laquelle la vie nous sourit si on est dans la main de Dieu. Un peu les images d'Épinal qu'on a des ou celles auxquelles on voudrait croire. Est-ce que c'est important de redire que voilà, ce chemin de conversion, c'est pas un chemin tout droit? Surtout, c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de d'écrire ce témoignage, qui était donc une demande, quoi. C'est parce que moi, quand j'ai commencé, donc je me suis converti à 9 ans, et puis vers 18 ans, j'ai commencé à être dans la nuit, d'abord des sens, c'est-à-dire je ressentais plus rien de Dieu, et du coup, je commençais à me demander si c'était bien authentique, tout ça. Et puis la nuit de la foi, carrément, quoi, hein, la nuit des sens, la nuit de la foi. Et à cette époque-là, ça m'a mis dans tous mes état, parce que je me disais, mais mince, quoi, j'avais vécu une conversion de feu à Medjugorje, je voulais être prêtre, j'étais même... À l'âge de 9 ans? Ouais, non, j'étais connu pour ce feu, je voulais être saint, absolument, j'étais vraiment Dominique Savio, quoi. Saint Dominique Savio, enfin, à fond. Et là, je perds la foi, je sais plus où j'en suis, etc. Et si j'ai accepté d'écrire ce livre où je parle justement de mon expérience de la nuit, de la foi, c'est vraiment, je l'espère, pour assurer tous ceux qui arrivent dans cette nuit sans savoir que c'est normal et que c'est génial. C'est même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous dites à un moment donné, on ne ressent plus rien. Vous qui étiez convaincu, d'un seul coup, vous avez le sentiment qu'après tout, ça n'a plus aucune importance. On peut très bien vivre sans croire au Christ. Finalement, peut-être que ce n'était qu'un mirage. Et ça, c'est vertigineux. Ouais. Ah oui, c'est... Surtout, de pas être sûr que... Par exemple, que l'Eucharistie soit vraiment l'Eucharistie, que c'est tous les repères... qui s'était quand même consolidé en quelques années, et là et puis quand même, c'est ce qui était dur, c'est qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, vu que je voulais devenir prêtre, donc ça craint pour un prêtre de plus trop avoir la foi, quoi. Déjà qu'avec la foi c'est pas facile, alors alors qu'est-ce qui vous raccroche, est-ce que à certains moments vous avez des signes, vous avez malgré tout des temps de prière qui viennent vous rattraper? Ah oui. Oui, alors d'abord, ce qui m'a manqué, c'est que de pas suffisamment croiser de personnes qui pouvaient me dire, mais t'inquiète, c'est normal, la nuit de la foi. Voilà. Donc c'est pour ça que. C'est pour ça que vous insistez. C'est vrai que vous insistez dans le livre, entre 18 et 26 ans, nuit de la foi. Et même, vous faites des études de psychologie qui n'arrangent rien à l'affaire, puisque vous dites, par exemple, vous découvrez des mécanismes psychologiques comme l'autosuggestion et que. Ça tient un peu c'est un carambolage. Tout passe en revue, tout passe en revue critique. Ouais. Et ça, c'est normal. Donc, c'est normal, c'est même souhaitable. Et c'est presque incontournable dans beaucoup de cheminements chrétiens, à des échelles différentes sans doute, mais c'est quand même rare. Je connais peu de chrétiens qui n'ont pas traversé une période un peu fumeuse dans sa vie de foi. Donc tout ça pour dire que ça et là, comme vous l'évoquez, oui, des petits fioretti, des petits comme les pierres du petit poussé, des petits signes que tiens, je suis peut-être pas complètement dans la mauvaise direction. Et donc parmi ces signes, oui, il y a des signes un peu cocasses. Hein. C'est vrai que dans le monde étudiant, je me retrouve en boîte de nuit avec ma croix parce que j'avais quand même décidé de rester pratiquant et ouverte. Et j'avais une grosse croix là, des béatitudes. Je me suis dit non, j'enlève pas ma croix tant que j'ai pas pris le. Enfin, je voulais pas prendre le risque de renier Jésus, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est clair, quoi, dans l'évangile, que ces histoires de reniement, pas moi. Enfin, si je renie, ça sera alors pas un reniement, ça sera plutôt le fruit d'un énorme travail où j'aurais vraiment réalisé que décidément tout ça c'est n'importe quoi. Mais tant que j'en suis pas sûr que c'est n'importe quoi, je peux pas renier. Donc, je suis resté pratiquant, j'avais ma croix et en boîte de nuit, on me branche, c'est quoi cette croix, et puis je commence à parler de Dieu, et puis je sens, je m'enflamme, quoi, quand je commence à parler de Dieu. Je commençais pas à me brancher sur Dieu, hein. Non, et donc j'ai commencé à m'enflammer comme s'il était là à mes côtés, que je le défendais, que je l'aimais, que je sentais même quelque chose, peut-être presque parfois comme une effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire une chaleur, une présence, quoi, et les gens se convertissaient autour de moi parfois, donc alors que moi j'étais dans la nuit, donc ça c'était des petits fioretti comme ça où je me disais, oh là là, il s'est gonflé quand même. Je suis au fond du trou de la foi et les gens ils se convertissent autour de moi. Non mais c'est du gros n'importe quoi, Seigneur. Allez, on écoute un extrait de votre dernière chanson, Toi. Toi, tu prends soin chaque jour de parler à nos cœurs de ton amour. Toi, tu écoutes nos rêves, nos souffrances, nos silences. C'est toi qui donnes un sens à nos vies, chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Toi. Alors dans ce livre, vous levez aussi au fur et à mesure les pièges que vous avez repérés. Ça ne va pas de soi de garder du temps pour la prière, ça ne va pas de soi d'avoir une certaine proximité avec des jeunes. Ce n'est pas si évident d'être exposé dans les médias, ça demande une certaine vigilance. Vous évoquez des garde-fous, c'est indispensable en fait. C'est presque un métier à risque que vous faites. Oui, c'est vrai que là j'enchaîne les... parce que... Il y a pas tout, enfin tous les deux trois mois on apprend que tel prêtre qui a été interviewé maintes fois par je sais pas quelle radio chrétienne ou quoi ou qui enfin un peu bankable, un peu qui écrit bouquin machin, bah se vautre, part avec une femme, ou alors il y a des histoires, enfin. Ah non, mais c'est sûr que plus on est un peu sur tous les fronts d'une évangélisation un peu médiatique, on va dire. Ah ouais, plus c'est casse-gueule, et si en plus on bosse dans le milieu des jeunes, plus les réseaux sociaux. Ouais ouais, j'ai un peu toutes les je coche toutes les cases à risque. Donc maintenant, j'ai dit oh mon Dieu, j'ai dit mais. Est-ce que t'es sûr que tu veux ça? Enfin, c'est un discernement continuel, quoi. Et alors, après, je me dis, mais oui, mais sinon, on fait plus rien si à chaque fois on voit ceux qui tombent, et puis l'arbre de la forêt qui tombe et qu'on voit pas le reste. Bon, voilà, faut. Et alors, les garde-fous, c'était ça un peu la question. Ouais. Les garde-fous, ben, moi, j'ai la chance, et ça, quand j'analyse, parce que j'analyse beaucoup c'est pas par esprit mal tourné, hein, mais j'analyse beaucoup mes confrères prêtres qui tombent. C'est d'analyser, mais c'est quoi qui les a conduits à ça, quoi. Ça, c'est très, donc ça, moi, je m'exerce beaucoup là-dessus, ben, pour, voilà, faire attention. Et donc, ça me permet d'avoir, à l'heure de ce jour, quelques idées de garde-fous. Alors d'abord, il y a la vie religieuse, il y a la vie communautaire. Donc j'ai quand même cette chance, en plus d'être dans une communauté d'éducateurs, donc qui ont un peu le réflexe de la correction fraternelle et qui ont toujours baigné beaucoup souvent avec des populations assez simples, et donc avec du parler franc, on n'y va pas par quatre chemins, on se dit les choses, et ça c'est très sain, on se dit les choses. Donc ça c'est la vie communautaire, c'est ce que n'ont pas toujours les prêtres diocésains. Donc il y a forcément des choses certainement inventées de ce côté-là sur la régulation par la correction fraternelle. Ça c'est je mettrais presque en premier. Ouais, je mettrais en premier. Spontanément, je mettrais en premier la prière, mais la plupart des prêtres là qui sont tombés, ils priaient. Hein. Donc, ils avaient une vie de prière. Vraiment? Ah bah je pense, bien sûr. Là encore récemment, il y a une histoire d'un prêtre qui encourageait beaucoup à des consécrations à Marie, un prêtre super marial, etc. Donc ça suffit pas seulement d'aimer Marie, d'être dans la prière, voilà. Mais c'est, bien sûr que c'est le premier truc à honorer, mais ça suffit pas. Mmh. C'est pour ça que j'avais presque pas envie de le mettre en premier, pour aussi, vous qui nous écoutez, enfin, vous dire, ben, tiens, est-ce que je suis attentif aussi à dire les choses à mon prêtre, là, à le corriger, enfin, même si je me trompe, mais tant pis, il vaut mieux le dire. Faut développer, c'est ce qu'on développe dans une famille, c'est ce qu'on développe dans une communauté, c'est vraiment cette capacité de se dire les choses, même maladroitement. Tant pis, il vaut mieux les dire. Voilà, donc ça, c'est une chose. Ensuite, communauté de prière. Générer des communautés de prière. Un exemple, quelqu'un qui est pour moi un exemple, c'est le pape François, qui, à la fin de chacune de ses interventions, il demande qu'on prie pour lui. Et surtout, prier pour moi. À chaque fois, ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, on peut le juger égocentré, soit au contraire très humble d'avoir cette insistance de demander qu'on prie pour lui. Et moi, je crois même que je demande pas assez ça, d'ailleurs, moi. Et parce que je trouve que c'est de l'humilité, au contraire, de demander de prier pour nous. Donc voilà, ça aussi. Il y a sans doute d'autres choses, mais je me tais un peu. Peut-être vous en avez d'autres. Vous évoquez le fait, en effet, d'avoir des équipes autour de vous. Vous avez aussi des laïcs, c'est ce que vous disiez. Alors, vous dites aussi, vous insistez sur la grâce du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire la grandeur du sacerdoce. Ah ouais. C'est vrai qu'on est peut-être aujourd'hui basculé dans la grandeur des laïcs aussi, c'était important. Mmh. Peut-être en oubliant ce que vous redites, c'est-à-dire le mystère de l'ordination. Alors, avec toutes les questions que ça pose, hein, c'est-à-dire que vous êtes interpellé, vous, régulièrement sur le célibat, sur la chasteté, sur le renoncement à la paternité. Vous n'éludez aucune de ces questions dans votre livre. Oui. Parce que c'est des questions qui se posent toujours, en fait. Bien sûr, ça se comprend. Et puis, c'est le prétexte à dire la beauté du sacerdoce, finalement. D'expliquer pourquoi on se marie pas, donne l'occasion d'expliquer pourquoi notre mission vaut la peine d'être vouée corps et âme à celle-ci, quoi. Donc la solitude, les tentations, vous parlez des 3 P, plaisir, pognon, pouvoir, les femmes. Un prêtre, on l'évoquait tout à l'heure, plus j'ai envie de dire, plus il va être rayonnant, plus il va être donné, plus il va être tenté. C'est assez fréquent, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu logique. Satan a tout intérêt à faire tomber ces prêtres qui sont les on va dire les colonels sur au front, quoi. Et Bon, voilà, ça c'est une chose. C'est l'existence de Satan. Je sais plus si j'en parle plus que ça, mais on peut pas comprendre tout ce qui se joue dans l'Église sans comprendre que Satan existe vraiment. Voilà, et ça aussi, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Il s'agirait pas de lui faire trop de publicité et l'honneur d'une trop grande publicité, mais à force de plus vouloir en parler, il y a plein de choses qui nous échappent et il y a un vrai combat au-dessus de nous. Un prêtre, il doit être ultra protégé par la prière, oui, des laïcs, comme vous disiez, des gens qui souffrent, qui offrent leur souffrance pour la Vierge Marie, bien entendu, sous réserve qu'il se prononce un jour, mais la Vierge Marie à Medjugorje, répétée à tous les mois, priez pour vos prêtres, priez pour vos prêtres, priez pour vos prêtres. C'est presque une obsession chez la Vierge Marie de prier pour les prêtres. Donc c'est un vrai devoir de porter, comme dans d'ailleurs un passage biblique là où ils soutiennent la main de Moïse de part et d'autre. Voilà. Alors Benjamin, frère Benjamin le bienheureux, c'est le surnom qu'on vous donnait quand vous étiez petit. C'est vrai qu'on peut pas soupçonner quand on vous voit que vous avez grandi sans votre père, qu'il vous a abandonné à la naissance, qu'il a aussi laissé tomber votre mère avec cette phrase que vous citez, l'avortement c'est pas fait pour les chiens, c'est des démarrages douloureux. C'est sur des chapeaux de roue. Puis ça aurait pu ne pas démarrer parce que effectivement l'avortement c'est pas fait pour les chiens. Donc il s'en est fallu de peu. Il s'est fallu de cette phrase un peu hasardeuse de ma grand-mère qui dit oh, il vaut mieux que tu le gardes plutôt que le regretter toute ta vie. On pourrait dire même sur le plan d'argumentation c'est léger, mais ça m'a suffi. Ça suffit pour sauver ma peau, donc merci mamie. Alors vous évoluez au départ petit, c'est pas un milieu chrétien, votre maman n'est pas pratiquante. Voilà, on est dans le Var, donc la messe de Noël a une certaine importance, même quand on n'est pas branché, il y a la crèche vivante, des trucs comme ça, donc il y avait un peu ça. Mais en tout cas, des débuts de vie pas spécialement chrétiens, un peu sec, mais comme beaucoup de nos contemporains. Quoi, voilà. Alors d'où vient la conversion? Ah oui, alors ça c'est, il faudra demander à la Vierge Marie là-haut, quoi, mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Elle est venue nous chercher, ma mère, vous voyez, c'est passé par les goûts, je me souviens, ma maman qui disait ça, elle aime bien le bleu, elle aime bien les bouquins, elle était prof de français, documentaliste, et elle aime bien se balader. Donc elle se baladait dans les collines de Cotignac, et puis elle arrive au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce, voilà, c'est un lieu... C'est un joli lieu avec un joli point de vue. Puis il y a une librairie. Et dans cette librairie, il y a un livre bleu. Tiens, ça attire couverture bleue, parole du ciel. Hop, et ça relate les messages de la Vierge Marie, surtout les expériences de scientifiques qui sont allés là-bas faire leurs expérimentations sur les enfants, pour en pensant d'ailleurs pouvoir démontrer que c'était un peu n'importe quoi. Puis les enfants qui voyaient les apparitions. Ouais. Et puis les résultats des scientifiques est sans appel, quoi. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui se passe là-bas. Donc ma mère, ça l'interpelle, elle se dit, faut qu'on y aille, quoi, hein, parce que faudrait pas passer à côté de ça, quoi. Donc elle se renseigne, tout ça, et puis c'est comme ça, on est allé à Medjugorje, et voilà, tout a basculé. Vous revenez en disant qu'après cette découverte inouïe de l'amour de Dieu, j'ai été habité par cette idée qu'il fallait que je partage au monde entier cette grande nouvelle. C'est l'aspect un peu missionnaire qui ne vous a pas quitté. Enfin, qui ne vous a pas quitté. Ah non, ouais, ça ne m'a pas quitté. Même c'est pendant les nuits de la foi. C'est de pire en pire, même. Ouais, non, ça ne m'a jamais quitté, c'est très curieux. Alors, pour revenir à l'histoire de votre papa, donc il vous abandonne. Vous vivez avec ce sentiment de l'abandon. Il faut faire avec. Qu'est-ce qui vous a permis de construire au-delà de ce manque? Disons, comment vous avez fait avec? Déjà, on souffre pas trop. Mais j'ai envie de le préciser parce que des fois, on croit que parce que le gamin souffre pas, que alors tout va bien. Donc, de fait, l'absence du père ne m'a pas été trop coûteuse, hormis un petit peu quand j'allais chez les copains voir les papas des autres, comment ils étaient avec leur enfant, ça me faisait drôle et ça, je me disais, ah, ça doit être chouette, mais bon, hormis cette petite sensation passagère, on souffre pas forcément jusqu'à l'adolescence, hein, en tout cas. Certains peut-être avec des bonnes défenses psychiques encore au-delà. Et puis moi, en tout cas, à l'adolescence, d'un coup, je commence à prendre conscience de l'ampleur du désastre, en fait. Voilà. En gros, jusqu'à l'adolescence, tout va bien. Mais à l'adolescence, je prends l'ampleur du désastre. Je prends conscience de l'ampleur du désastre à travers les émotions d'immense tristesse, de carence, de la sensation du manque affectif, le besoin de reconnaissance, comme je dis, j'ai l'impression d'avoir grandi avec un poumon en moins, donc j'arrive à l'adolescence essoufflé, quoi. Voilà. Et puis se pose la question du pardon. Oui. Mais grâce à Dieu, je m'étais converti, donc je savais qu'il fallait pardonner. Mais je sais pas si j'ai dit que j'ai eu besoin de pardonner. Mais bon, enfin, en tout cas, il y a besoin de se poser la question si on a bien ou pas pardonné. Je sais pas si j'ai eu vraiment à absolument pardonner parce que j'étais pas vraiment dans le jugement de mon père. Je me dis bon, bah, il a des raisons. C'est un peu salopard ce qu'il a fait, mais bon, c'est peut-être pas un salopard pour autant. Voilà, j'ai toujours de laisser le bénéfice du tout. En tout cas, il y a des très belles pages sur vos retrouvailles, ouais. Et les moments que vous passez ensemble, pendant lesquels vous partagez aussi la musique. Ouais. C'est votre point commun. En tout cas, on laissera les lecteurs découvrir ces pages de votre rencontre. Elles sont vraiment elles sont belles. Et puis, pour terminer, vous citez plusieurs témoins tout au long des pages. On pourrait dire témoins, mais c'est-à-dire des personnes qui vous ont fait avancer sur votre chemin. La place de la rencontre dans votre vie et des opportunités, est-ce que vous diriez que c'est majeur en fin de compte ? Oui, je crois que je connais personne qui dit pas ça. C'est sûr, le bon Dieu passe les uns par les autres. C'est le bon Dieu, ça un amour, ça prédilection, sa tendresse passe par là, quoi, vraiment. Ouais. Alors vous citez par exemple Marie-France Chabert. Oui, paix à son âme. Elle est décédée. Ouais. Alors Marie-France Chabert, salésienne. Elle a 80 ans quand vous la rencontrez. Elle vous fait découvrir quelque chose. Ah ouais, c'est la sœur à la deux doches, quoi. À la deux chevaux des gendarmes. Non, mais voilà, c'est une sœur pétillante, hyper joyeuse, où je me dis, mais complètement un peu décalée, timbrée, qui parle en fait, vous savez, ce genre de personnage, il vous parle comme un chien, mais en fait, il y a énormément de tendresse, quoi. Enfin, c'est un peu comme Guy Gilbert, où enfin, il y a un côté brut de décoffrage, mais hyper attachant. Et je me suis dit, mais en fait, si on peut être taré comme ça dans la vie religieuse, j'ai peut-être quelques bon espoir moi-même de pouvoir de me faire religieux, quoi. La vie religieuse n'interdit pas l'exubérance et l'originalité, concluez-vous. Et puis peut-être un mot sur ce que vous fait découvrir le père Daniel Federspiel, qui est le responsable des vocations, en vous disant que vous n'avez rien à exiger de Dieu. Peut-être c'est bon de se le rappeler. À l'époque, maintenant il est provincial, et donc je l'ai pas souvent entendu, donc merci de m'offrir l'occasion de le souligner. En fait, je me suis aperçu que dans notre foi, on peut avoir quelques immaturités affectives qui fait qu'on a des attentes vis-à-vis de Dieu qui sont des attentes en fait teintées d'exigences, voire qui sont carrément des exigences. Et donc si Dieu ne nous obtient pas ceci ou cela, ben finalement on lui fait un peu la gueule. Même ceux qui disent ah mais non, je suis pas comme ça, parce que moi je disais ça aussi, ah non, moi j'exige rien de Dieu. Puis en fait, en creusant, je m'apercevais que j'avais des attentes qui, à mon avis, polluaient la relation, et j'étais pas encore dans l'acceptation inconditionnelle de tout de sa volonté. Merci beaucoup, frère Benjamin. Je rappelle que vous êtes prêtre salésien, directeur du collège Don Bosco Giel en Normandie. Vous êtes aussi chanteur, vous êtes créateur de contenu sur les réseaux sociaux, aussi à la tête d'une chorale, Cap Cœur, à Argenteuil. Et vous êtes l'auteur du livre « Tu as du prix aux yeux de Dieu » et c'est publié aux éditions Artege. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.